بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الحمد لله للوانجة الله سبحانه وتعالى qui nous permet ce soir inshallah de commencer donc l'explication l'étude du texte Al-Usul al-Thalatha de Cheikh al-Islam Mohamed ibn Abdul Wahhab rahmatullahi alayh. Donc cette étude, bi'iznillah azwajal, elle est en lien avec al-aqidah, la matière al-aqidah. Nous avions évoqué que dans le hadith de Jibril, alayhi salam, lorsqu'il est venu poser des questions au prophète Muhammad alayhi salatu wa salam, étaient développés trois domaines. Le premier, al-islam, comportant cinq piliers. Le second, al-iman, comportant six piliers. Et le troisième, al-ihsan. On avait dit qu'il y avait des sciences correspondant à chacun de ces domaines. À Al-Islam correspond Al-Fiqh, à Al-Iman correspond Al-Aqidah, et à Al-Ihsan correspond la science qui s'appelle Al-Tazkiyah. Donc aujourd'hui, Inch'Allah, ce soir, nous commençons donc cette explication en lien avec Al-Aqidah. Al-Aqidah, ayyuha al-ikhwa, c'est ce qu'il y a de plus important dans la vie du musulman. La croyance, c'est le socle qui rassemble les musulmans. Nous avions vu dans l'introduction aux sciences législatives que les madhahib, les écoles, ont divergé en termes de jurisprudence. Il se peut que les musulmans divergent dans leur manière de prier. Il se peut qu'ils divergent dans qu'est-ce qui annule le jeûne, qu'est-ce qui annule les ablutions ou autres, hein, les nombreuses divergences que l'on connaît donc dans la jurisprudence islamique. Au niveau de la aqida, les sahaba radiyallahu anhum n'ont quasiment pas divergé. Ils n'ont quasiment pas divergé, si ce n'est dans quelques unités qui se compte sur les doigts de la main, comme est-ce que le prophète alayhi salatu wa salam a vu Allah subhanahu wa ta'ala lors de l'ascension, al-mi'raj, ou bien est-ce que les morts dans leur tombe entendent les voix des vivants. Ça aussi c'est une divergence qui existait entre Aisha radiyallahu anha et Omar par exemple radiyallahu anha. Mais la divergence dans la aqidah était extrêmement minime. Et ces points, vous remarquerez, où il y a eu divergence entre les sahaba radiyallahu anhum, sont des points qui n'ont pas un impact ensuite sur la pratique. Que les morts dans les tombes entendent ou n'entendent pas, ça n'a pas réellement un grand impact. De même que le prophète alayhi salatu wa salam ait vu Allah jalla fi'ulah la nuit d'El Mi'raj ou qu'il ne l'ait pas vu, ça n'a pas un réel impact après dans la vie des musulmans. Donc l'introduction qu'on avait vue, et toutes les notions de madhhab, de madhahib que l'on avait vu, elles ne sont pas à appliquer ici dans le domaine de l'aqidah. Et la parole de l'imam Shafi'i que nous avions vu, Ra'i sawabun yahtamilu al-khata wa ra'yu ghayri khata'un yahtamilu al-sawab, mon avis donc est une vérité qui se peut est fausse, et l'avis d'autrui est quelque chose de faux qui se peut est vrai, n'est pas une parole applicable dans l'aqidah. À la base, on ne peut pas appliquer cette parole et cette tolérance qui existait vis-à-vis de la divergence jurisprudentielle dans le domaine de l'aqidah. Pourquoi ? Parce que nous avions vu que la divergence jurisprudentielle prenait donc source, parmi autres, d'autres choses, dans le fait que les textes soient équivoques, non tranchants, donc dans leur sens. Vous vous rappelez on avait parlé de l'histoire de la Salat al-Asr, Bani Qurayda, on avait donné cet exemple, ou l'exemple des compagnons qui avaient divergé par rapport au Tayammum. Est-ce qu'il, par rapport au fait d'avoir fait une prière avec le tayammum et d'avoir retrouvé de l'eau avant que la prière ne sorte de son heure, est-ce qu'on devait refaire ou pas la prière? On avait vu de nombreuses divergences qui avaient eu lieu, même au temps du prophète alayhi salatu wa salam. Notamment en raison des textes qui ne sont pas tranchants. Dans le domaine de la aqida, notamment en ce qui concerne al-tawhid, l'unicité d'Allah azawajal, al-shirk, l'associationnisme, al-wala ou al-bara, l'alliance et le désaveu. Toutes ces notions-là, elles prennent source dans des textes qui sont tranchés. Qui sont des nosos. Dans la langue arabe, le nas, c'est le texte. Le texte, ça s'appelle an-nas. Mais dans le sens istilah et consensuel en usul al-fiqh, le texte, il a plusieurs donc nominations suivant donc son caractère tranché du sens qu'il implique. Le plus haut degré, c'est an-nas. Ma la yaftaqiru ila ghayrihi. C'est un texte qui n'a pas besoin d'un autre texte coranique ou bien de la sunna pour qu'on comprenne son sens. C'est un texte qui n'est pas soumis à la présence d'un autre texte du Coran ou bien de la Sunna du prophète alayhi salatu wassalam pour qu'on en comprenne son sens de manière totale. Et l'aqida prend source majoritairement dans ce type de texte, celui qu'on appelle An-Nas, qui est tranché et le texte lui-même donne son sens complet et on n'a pas besoin d'aller voir ailleurs dans le Coran ou la Sunna, on n'a pas besoin d'un ijma' pour pouvoir spécifier par exemple sa généralité ou bien limiter son caractère illimité, etc. Notion qui se voit en usul fiqh, mais ce qu'il faut retenir, c'est que on ne peut pas faire preuve de tolérance ou bien d'acceptation des diverses écoles en termes de aqida. C'est pour ça que l'on verra que la majorité des points que l'on voit, ce sont que des points consensuels. Et en dehors de ce point, on est dans la bid'a. Soit mufassiqa, soit mukaffira. On est dans l'innovation, soit qui caractérise la personne de pervers ou bien de mécréant. Dans l'aqida, on n'a pas la largesse donc, et la tolérance qu'on a donc, dans les masa'il fiqhiyya, dans les notions qui relèvent du fiqh. Pourquoi ? Parce que les textes en lien avec l'aqida sont tranchés dans leur sens. Et notamment, pour comprendre les textes, il faut revenir à ce qu'on appelle fahmus salaf, la compréhension des salaf rahmatullahi alayhim. Et les sahaba radiyallahu anhum ont abordé quasiment tous les points de l'aqida. Les divergences profondes qui sont apparues après dans l'Wala wa al-Bara, dans le Qadar, dans l'Asma wa al-Sifat, etc. Ce sont des notions donc qui sont des bid'ah. Et les personnes qui ont adhéré à ces notions-là sont des mubtadi'ah. Mais nous, on ne va pas, donc, dans notre pédagogie, à travers ce texte qui est Al-Usul al-Thalatha, on ne va pas aborder les divergences et répondre aux shubuhat, aux ambiguïtés donc des détracteurs de la aqida authentique. Car ce n'est pas la pédagogie. Lorsqu'on étudie la aqida, étape numéro 1, donc on étudie la aqida avec donc la aqida des salaf rahmatullahi alayhim, avec la aqida authentique. Deuxième étape, on observe donc qu'est-ce qu'on dit les sectes et comment est-ce qu'ils divergent avec Ahl Sunnah. Troisième étape, ar-rudud, on répond à ces ambiguïtés-là. Commencer par répondre aux ambiguïtés, ça ce n'est pas pédagogiquement quelque chose de bon. De même, commencer par tout de suite évoquer les divergences qu'il y a entre Ahl Sunnah, la aqida authentique, et la aqida de Ahl al-Bida', la aqida des innovateurs, non plus cela ne fait pas partie donc de la pédagogie qu'il faut adopter. Donc on s'astreindra, Inch'Allah, à la aqida authentique, et de temps en temps, lorsque il y aura un intérêt, on évoquera donc des credos qui sont déviants et qui appartiennent à certaines sectes. Donc le texte bi'iznillahi azzawajal que l'on va étudier, c'est al-usul al-thalatha, les trois fondements, ou bien thalathatul usul, et là c'est deux noms, on peut l'appeler al-usul al-thalatha ou bien thalathatul usul. À qui est-ce qu'il appartient, quel en est l'auteur? Mohamed ibn Abdel Wahhab, rahmatullahi alayh, que l'on va présenter, inshallah, de manière assez résumée. Je reviens vers l'importance de la aqida. Nous avons dit que c'est le socle qui réunit les gens de la sunna. Et c'est la science pour laquelle les prophètes, alayhimu salatu wassalam, ont été envoyés de manière prioritaire. Avant d'apprendre aux gens comment prier, avant d'apprendre aux gens comment se marier, avant d'apprendre aux gens comment jeûner, avant d'apprendre aux gens comment commercer, les prophètes, alayhimu salatu wassalam, ont été envoyés pour enseigner à l'humain comment se rapprocher d'Allah, jalla fi'ula. Quelle croyance avoir par rapport à Allah, subhanahu wa ta'ala. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, montre ceci dans un verset de Sourate An-Nahl, que tous nous devons apprendre, bi'idhnillahi azza wa jal. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ وَجَتَنِبُ الطَّاغُوتِ. Et nous avons certes envoyé dans toute communauté un messager. Avec quel message? U'budullah, adorer Allah. Wajtanibu at-taghut, et délaisser le taghut. Et nous verrons ce qu'est at-taghut en fin de cette épître là bi hawlillah azza wa jalla. Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi: wa ma arsalna min qablika min rasulin illa yuha ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Et nous n'avons pas envoyé avant toi de messager sans que lui soit révélé, ou bien sans que nous lui révélions en hafs. Il m'arrivera de lire parfois les versets en hafs et parfois en warsh, il n'y a pas de, de problème, sans que lui soit révélé, ou bien sans que nous lui révélions qu'il n'y a de divinité que moi, adorez-moi donc. Tous les prophètes ont été envoyés avec ceci. Adorez que moi, adorez. Il n'y a de divinité que moi, adorez-moi donc. La ilaha illallah, ce qu'on appelle asluddin, la base de la religion, le fondement de la religion. C'est l'islam dans son sens général, comme on va le voir, bihaulillahi azza wa jal, à travers cette épître. Le socle commun entre tous les prophètes, c'est l'adoration d'Allah et le délaissement de l'adoration du tarout. L'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala et le délaissement de l'adoration du tarout. Adam alayhi salam a été envoyé avec ça, Nuh alayhi salam a été envoyé avec ça, Ibrahim alayhi salam, Moussa alayhi salam, Isa alayhi salam, et le dernier des prophètes, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam, a été envoyé avec comme mission principale, avant d'enseigner aux gens comment prier, comment jeûner, comment faire le pèlerinage, comment se marier, comment commercer, il leur a enseigné comment adorer Allah et comment délaisser le tarout. Ça c'est donc la religion des prophètes alayhim salatu wa salam. Donc l'étudiant, le musulman, et c'est un fard'ain comme va le dire donc le cheikh rahimahullah, il doit absolument apprendre donc à adorer Allah subhanahu wa ta'ala et à délaisser l'adoration du tarout. Donc la aqida, c'est ce pourquoi nous devons donner le plus de temps. Notre préoccupation principale, ça doit être donc le renforcement, la correction, l'authentification de notre credo. Car dans l'au-delà, les gens qui arriveront avec beaucoup de prières, beaucoup de jeûnes, beaucoup de prières surrogatoires, en ayant lié les liens de la parenté, en ayant donné beaucoup d'aumônes, mais ayant une mauvaise croyance, seront soit momentanément en enfer, soit éternellement en enfer. Donc l'aqida, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important. Et d'ailleurs le péché qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas est en lien avec l'aqida, al-shirk. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quelque chose, et il pardonne en dehors de cela à qui il veut. Donc ceci doit nous préoccuper. Et le prophète alayhi salat wa salam, lorsqu'il a envoyé Mu'ad radiyallahu anhu, Mu'ad ibn Jabal au Yémen, il lui a dit que tu vas arriver à des gens qui sont des gens du livre. Il a dit, le prophète alayhi salat wa salam, le hadith est dans Al-Bukhari et autres, فَلْيَكُنْ أَوَّلُ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةَ أَلَّا إِلَهَا إِلَّا اللَّهِ. Que la première chose à laquelle tu les appelles soit la shahada, l'attestation selon laquelle il n'y a de divinité qu'Allah. فَإِنْهُمْ أَطَعُوكَ فِي ذَلِكَ. Et si jamais ils t'obéissent en cela, en la shahada, فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَدَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَالْلَّيْلَةِ. Informe-les alors que Allah Azza wa Jalla leur a rendu obligatoire 5 prières de jour et de nuit. فَإِنْهُمْ أَطَعُوكَ فِي ذَلِكَ. Et s'ils t'obéissent par rapport à la pratique de la prière, فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَدَ عَلَيْهِمْ صَدَقَاتٍ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ. Informe-les alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rendu obligatoire pour eux une aumône qui est prise de leurs riches et qui est rendue à leurs pauvres. Donc avant de les informer qu'il y a une prière obligatoire et une aumône obligatoire, le prophète alayhi salatu wa salam a ordonné à Mu'ad de leur informer qu'il y a quoi ? La shahada, selon laquelle il n'y a de divinité qu'Allah et que le prophète Muhammad alayhi salatu wa salam est le messager d'Allah azza wa jal. Donc un point important, soyez attentifs, toute da'wa qui ne commence pas par présenter aux gens la aqida, qui n'explique pas la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah aux gens, est une da'wa bid'iyya, est une da'wa qui est en réalité innovatrice. Sauf si stratégiquement la personne va délaisser donc momentanément ces points-là pour pouvoir attirer les cœurs des gens et ensuite développer ces points-là par crainte qu'en entrant tout de suite par ce point-là, il y ait donc un éloignement des gens et que si jamais donc il diffère ces points-là qui sont les points du tawhid, alors il y aura une acceptation biiznillah azza wa jalla. Mais ça ne doit pas être différé loin dans le temps, car l'ange de la mort peut passer. Et da'iyah, le prêcheur, al-alim, le savant, l'imam, à qui Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné le dépôt du minbar, le dépôt du micro, les oreilles des frères et des sœurs sont attentifs à ce qu'il dit. Donc cet imam-là, ce savant-là, ce da'i-là, il est responsable. Il est responsable de présenter le message aux frères et aux sœurs qui l'écoutent, tout comme le prophète alayhi salatu wa salam l'a présenté. Et la da'wa n'a pas été laissée au hasard et au goût des gens. Donc tout comme Allah subhanahu wa ta'ala a montré dans le livre que les prophètes ont été envoyés avec priorité de montrer aux gens comment adorer Allah azza wa jalla et de délaisser l'adoration du tarout, de même, le prophète alayhi salatu wa sallam à travers sa sunna nous a montré, par l'envoi des compagnons, et par lui aussi sa da'wa lorsqu'il écrivait des lettres au roi, etc. Et lui aussi, par sa da'wa de la parole, comment est-ce qu'il a appelé les gens à la Mecque? Est-ce qu'il les a appelés au bon comportement? Est-ce qu'il les a appelés à délaisser l'alcool? Est-ce qu'il les a appelés à se marier de telle manière ou à prier ou autre? Non, au début, il les a appelés tout de suite au tawhid et au délaissement du shirk. Chose sans laquelle la personne s'éternisera en enfer. La personne qui meurt avec le tawhid d'Allah Azzawajal, et ses implications, même si elle meurt avec des kaba'ir, avec des grands péchés, ce sera une personne qui sortira un jour ou l'autre, donc du feu de l'enfer. En revanche, une personne qui meurt sans kabira en dehors du shirk billah azzawajal. Car le shirk billah, d'une certaine manière, entre dans al-kaba'ir. Donc si une personne meurt, mais qu'elle ne buvait pas de vin, qu'elle se comportait bien avec ses parents, qu'elle faisait, etc., ces bonnes actions-là, mais qu'elle était mushrika, associatrice à Allah azzawajal, ce sera une personne qui s'éternisera en enfer. Donc la rahma que porte le prêcheur, la sagesse que porte le savant, le pousse à présenter aux gens qui l'écoutent, de manière prioritaire, la da'wa à la aqida. Donc ça c'est important, les da'wa qui ne sont pas basées sur le tawhid, sur la démonstration de qu'est-ce que le tawhid, qu'est-ce que le tarout, qu'est-ce que le délaissement du tarout, qu'est-ce qu'est un tarout, qu'est-ce qui n'en est pas un, comment est-ce qu'on unicise Allah Azza wa Jal, qu'est-ce que le tawhid, où est-ce que le tawhid intervient, c'est une da'wa qui est bid'iyya. C'est une da'wa qui est bid'iyya. Si on te demande pourquoi, parce que Allah Azza wa Jal a envoyé des prophètes qui tous, sans aucune exception, lorsqu'ils ont interpellé leur peuple, leur ont présenté en premier point cette notion-là, al-tawhid. Et lorsque le prophète alayhi salatu wa sallam, donc le dernier des prophètes sallallahu alayhi wa sallam, a lui prêché, il a d'abord prêché au tawhid. Lorsqu'il a envoyé ses compagnons, alors que c'est durant la période médinoise, la législation est désormais descendue, il envoie les compagnons dans des contrées et leur ordonne d'appeler les gens d'abord à quoi? Au tawhid. Il n'a pas dit par sagesse, par hikmah, non, faites autre chose. Mais lorsque le prêcheur, il est éprouvé par le vouloir de préserver son auditoire, par le fait de ne pas vouloir être classé comme quelqu'un de radical, quelqu'un de dur, etc. Souvent on va observer, et là c'est le cas beaucoup en France, que les gens vont tourner autour du pot, vont beaucoup parler de ce qu'on appelle l'akhlaqiyat, le comportement. On va beaucoup parler de comment choisir sa fiancée, comment être honnête, comment donner le droit du voisinage, comment ceci et cela. Mais on voit que l'audiothèque, la vidéothèque en termes de aqida est extrêmement faible. Est extrêmement faible. Et ceci c'est un grave problème, ayyuhal ikhwa. Car on vit dans un environnement où justement les valeurs qui nous entourent frappent le tawhid à sa base. Et frappent l'alliance et le désaveu à sa base. Donc le prêcheur qui est sincère et qui sait que aussi la prêche implique après un temps soit peu des épreuves, ne devrait pas avoir peur de développer ces points-là. Car si l'on meurt sans ces points-là, ayyuhal ikhwa, c'est al-khasar, c'est l'échec, donc dans ce bas monde et dans l'autre. Donc cet épître-là, al-usul al-thalatha, il s'adresse à qui? Il s'adresse aux débutants. Il s'adresse aux débutants. Et notamment, donc, dans le sharq, notamment en Arabie Saoudite, fil mamlaka saoudia, depuis donc les ouvrages de Cheikh Mohamed Abdel Wahab ont été donc propagés, la pédagogie de l'apprentissage en aqida là-bas veut que on commence souvent par al-usul al-thalatha, que l'on fait suivre souvent par al-qawa'id al-arba, les quatre règles, ensuite souvent on étudie nawaqid al-islam, les annulatifs de l'islam, puis ensuite on enchaîne par kashf al-shubuhat qui sont le dévoilement des ambiguïtés, et ensuite kitab al-tawhid, le livre de l'unicité de Cheikh Mohamed ibn Abdel Wahab, rahmatullah alayhi. Donc cette série de livres est importante et il faut essayer, bi'iznillah azzawajal, de tous les étudier. Car ce Cheikh-là est un Cheikh qui a émergé, qui a été donc vraiment quelqu'un d'un très haut niveau, au niveau de l'aqida, de manière théorique mais aussi pratique. C'est quelqu'un qui a prêché à ce qu'il a écrit. Ce n'était pas quelqu'un simplement qui parlait, mais qui ne pratiquait pas ce qu'il prétendait à travers ses écrits. Donc al-usul al-thalatha est un texte pour débutants. Donc ce texte, on va essayer, inshallah, de l'étudier ensemble. Et on ne va pas faire supporter un texte qui est destiné à des débutants plus que ce qu'il ne peut supporter. Donc lorsque des points vont être abordés, on ne va pas les aborder comme on les aborde dans un texte de Aqida qui est fait pour supporter plus que ce que se supporte Al-Usul al-Thalatha. De même en langue arabe, lorsqu'on étudie Al-Ajrumiyya par exemple, qui est le texte qui est, selon la pédagogie classique, on commence par celui-là, on ne va pas faire supporter à Al-Ajrumiyya, donc ce texte qui est pour les débutants en grammaire, quelque chose qui ne relève pas donc de la première marche dans Talab al-Ilm. De même, vous êtes en train d'étudier Ibn Ashir, mathalan. Après Ibn Ashir, c'est souvent Ar-Risala de l'imam Ibn Abi Zayd al-Qayrawani. Ensuite, c'est Mukhtasar Khalil, donc de l'imam Khalil, rahmatullah alayh. On ne va pas transposer tout ce qu'il y a dans Mukhtasar Khalil sur le petit poème qui est Ibn Ashir. Car Ibn Ashir, c'est la première marche. Donc, la personne qui écoute n'est pas censée avoir le niveau donc, de pouvoir avoir tout ce qui est dans Mukhtasar Khalil transposé dans Ibn Ashir. De même, dans l'Usul al-Thalatha, on ne va pas trop approfondir certains points. On ne va pas trop approfondir certains points parce que le texte n'est pas adapté et parce que nous aussi, étant débutants, il ne fait pas partie de la pédagogie, Inch'Allah, appropriée de trop approfondir ces points-là. Mais l'étudiant doit accepter de passer par des zones d'incompréhension, de turbulence cognitive à des moments. C'est normal qu'à des moments, tu te sens un peu lâché. Et que tu dis, là, il est allé un peu trop loin, je n'arrive plus à suivre. Et tu reviens vers les cours qui sont enregistrés, tu les réécoutes. Alhamdoulilah, on a donné aussi un charh de Cheikh Ibn Baz qui vous aidera beaucoup. Il y en a d'autres. Alhamdoulilah, avec le temps, les notions, vous allez les, Inch'Allah, les, vous les approprier. Et il faut savoir que ces notions de Aqidah, elles s'attrapent avec le temps, avec la répétition, avec la discussion, avec les questions-réponses, avec la révision. On ne va pas tout apprendre comme ça et tout maîtriser d'un coup. Donc on commence bihawlillah azzawajal par une brève présentation de l'imam Mohammed ibn Abdul Wahhab. Donc nasabuhu, on commence par donc sa lignée, rahmatullah alayhi. Wa Sheikhul Islam. Sheikhul Islam, ça c'est un laqab, c'est un surnom que l'on donne à certains chouyours qui ont été éminents, qui ont été des gens qui ont marqué leur époque. Et ça n'appartient pas qu'à lui, ou bien Ibn Taymiyyah, rahmatullah alayh. Il y a beaucoup de chouyours qui sont appelés Cheikhul Islam. Donc il s'appelle Mohammed, ça c'est son nom. Ibn Abdul Wahhab, donc son père c'est Abdul Wahhab, rahmatullah alayh. Ibn Sulayman, Ibn Ali, Ibn Mohammed, Ibn Ahmed, Ibn Rashid, Ibn Buraid, Ibn Mohammed, Ibn Musharraf, Ibn Omar, min Bani Tamim. Donc il fait partie de la tribu de Bani Tamim. Quand est-ce qu'il est né? Rahmatullah alayh, il est né d'abord dans la région de Al-Uyayna. Al-Uyayna, qui se trouve dans l'Arabie Saoudite actuelle, il est né en 1115 de l'Égypte, rahimahullah, dans une maison donc de science, d'honneur. Son père était un grand savant, rahmatullah alayh, et son grand-père, Sulayman aussi, était un grand savant. Et qu'est-ce que l'on tire de cela? C'est que souvent, les savants sont des fils de savants. Souvent, ça c'est la tradition universelle d'Allah, Jalla fi'ula, sauf exception bien sûr. Allah fait ce qu'il veut, il peut sortir d'un ignorant un enfant savant. Mais souvent les savants proviennent de familles qui sont d'une certaine piété et qui ont un certain niveau de science. Nash'atuhu, comment est-ce qu'il a grandi rahmatullah alayh? Hafiz al-Qur'an qabla bulugh 10 sinin. Il a appris le Coran par cœur avant d'atteindre 10 ans. Avant d'avoir 10 ans, il avait appris le Coran par cœur. Ça aussi, en lisant les biographies des savants, vous remarquerez que c'est quelque chose de récurrent. Les savants, souvent, ont commencé l'apprentissage de la science en bas âge. Mais certains savants ont, alhamdoulilah, ont été d'éminents savants alors qu'ils ont commencé l'apprentissage de la science en âge avancé. Comme l'imam Abu Hanifa, par exemple, ou Al-Izz ibn Abdessalam, il est rapporté qu'il a commencé à apprendre la science après 40 ans. Donc ça nous laisse beaucoup d'espoir. Après 40 ans, il a commencé Talab al-Ilm, rahmatullahi alayh. Mais lorsqu'ils ont commencé, entre guillemets, à fond. Al-Ilmu, idha a'taytahu kullak, a'taka ba'dah. Wa idha a'taytahu ba'dak, lam tudrik minhu shay'a. Qu'est-ce que disent certains sages? Ils disent, la science, si tu lui donnes tout ce que tu as, elle te donnera un peu de ce qu'elle a. Et si tu lui donnes un peu de toi-même, tu n'attraperas rien d'elle, tu n'auras rien. Donc ces gens-là se sont donné corps et âme dans la science, et Allah subhanahu wa ta'ala leur a ouvert les portes de la science. وَدَرَسَ فِي الْفِقْهِ حَتَّى نَالَ حَظًّا وَافِرًا. Il a ensuite étudié al-fiqh, donc la jurisprudence, jusqu'à ce qu'il en ait eu une grande part. وَكَانَ مَوْدِعَ الْإِعْجَابِ مِنْ وَالِدِهِ. Et c'était quelqu'un qui était, donc son père était extrêmement étonné, donc de son fils, لِقُوَّةِ حِفْظِهِ, en raison donc de la mémoire exceptionnelle qu'il avait. وَكَانَ كَثِيرَ الْمُطَالَعَةِ فِي كُتُبِ التَّفَاسِيرِ وَالْحَدِيثِ. Et c'était quelqu'un qui lisait beaucoup les livres donc de tafsir et de hadith. Ça aussi, c'est quelque chose que les savants font beaucoup et qu'il faut comprendre. Hein? Celui qui te parle, qu'il soit savant, qu'il soit étudiant, il te donne les clés de la science. Il te donne les clés de la science. Mais plus le temps va avancer, et plus tu vas, entre guillemets, prendre de l'indépendance et pouvoir, toi, désormais, faire ce qu'on appelle al-mutala'a et lire les livres. Lire les livres des chouyours. Mais débuter en lisant les livres sans être donc devant quelqu'un qui t'explique et qui peut te donner les clés donc des textes, que ce soit en fiqh, en aqida ou autre, ça c'est dangereux. D'où l'expression connue, من كان شيخه كتابه كان صوابه أو كان خطأه أكثر من صوابه. Celui dont le cheikh est son livre, celui dont le cheikh est le livre, donc ses erreurs sont supérieures donc à ses bons côtés. Car le livre ne t'enseigne pas. C'est toi qui, lorsque tu lis le livre, tu as acquis ou pas une grille de lecture. Et cette grille de lecture, comment est-ce que tu vas l'acquérir? C'est quelqu'un qui t'a précédé là-dedans, qui va pouvoir te donner des clés. Et on verra que lorsqu'on va étudier ce texte, et nous on va l'étudier bien sûr à travers les paroles des savants, on ne va rien inventer, on ne va pas faire des istinbata, des extractions de soi-même, non. On verra qu'il y a beaucoup de choses, on est soumis au fait de revenir vers les savants pour pouvoir les comprendre. Donc c'était quelqu'un qui lisait beaucoup. Et les savants, tous, lisent beaucoup. Et ça aujourd'hui, c'est un problème aussi dans notre société. Aujourd'hui, les gens sont des véritables, excusez-moi, des feignasses concernant la lecture. La société ne nous amène pas à lire. Aujourd'hui, c'est électronique, c'est le net, etc. Les gens ne lisent pas. La société de consommation n'exhorte pas à lire. On ne lit plus beaucoup d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on lit? On ne lit pas beaucoup. Et le musulman se doit de lire. Le premier ordre qui est descendu sur le prophète, alayhi salatu wassalam, quel est-il? Iqra. Bismi rabbikal ladhi khalaq. Li. Donc il faut s'efforcer de lire Ayyuhal Ikhwa. C'est quelque chose qu'il faut faire revivre dans nos domiciles. Il faut que notre épouse lise, il faut que nous lisions, il faut que nos enfants lisent, il faut que nos enfants grandissent et aient comme image classique, quotidienne de leur père et de leur mère qu'ils ont un livre ouvert devant eux, ils ont le nez, donc qui est dedans. Ça doit être quelque chose qui est classique. L'enfant qui grandit avec un père vautré dans le fauteuil qui regarde la télé 12 heures par jour, ce sera un enfant qui grandira selon les pas de son père. Mais celui qui grandit avec un père qui est souvent enfermé dans sa bibliothèque, entouré de livres, que ce soit de fiqh, aqida, tafsir ou autre, bihaulillahi jalla fi'ula, si la sagesse en plus est présente, ce sera un enfant qui prendra goût, incha'Allah. Et avec le temps, il faut l'inviter à venir dans cette bibliothèque et à ouvrir de temps en temps un livre qui relève de son niveau pour lui faire prendre goût, incha'Allah. Donc ça, c'est un point qui est important. Le livre a une place indispensable dans la vie du musulman. Et donc il a donné toute son énergie dans l'apprentissage de la science de jour comme de nuit. Talabul ilm, c'est de jour comme de nuit. Celui qui veut étudier la science et bi'iznillahi azzawajal atteindre un certain niveau, qu'il oublie l'idée selon laquelle il vivra la vie classique des gens. Non, tu ne dormiras pas comme les gens dorment, tu ne mangeras pas comme les gens mangent, tu ne te promèneras pas, tu n'auras pas les loisirs qu'ont les gens. La différence qui s'est faite entre les savants et justement Al-Amma et les gens qui n'ont pas atteint ce niveau-là, ou bien même ceux qui se sont engagés dans la science mais qui n'ont pas atteint de haut niveau, c'est justement le fait qu'ils n'ont pas sacrifié des choses qui devraient les différencier de la masse. Et le temps est sans doute ce qu'a de plus important l'étudiant en science. Donc ces gens-là profitaient du jour comme de la nuit. Et lorsqu'on lit les biographies des savants, on se rend compte de cela. فَكَانَ يَحْفَظُ الْمُتُونَ الْعِلْمِيَّةَ فِي شَتَّ الْفُنُونَ. Et il apprenait donc par cœur les textes donc scientifiques en lien avec les différentes sciences. Et ça aussi, c'est la manhajia des savants depuis tout le temps. Les savants ont toujours eu donc cette pédagogie qui consiste à apprendre par cœur des textes. En aqida, il faut avoir un texte donc de base, par exemple al-usul al-thalatha, qui est donc le socle à partir duquel on va construire toute la science de aqida que l'on va étudier dans notre vie. De même, vous avez commencé Ibn Ashir, ça c'est quelque chose, si vous pouvez, c'est le mieux, apprendre par cœur. Et c'est le texte sur lequel vous allez construire tout le fiqh que vous allez apprendre dans votre vie. Et celui qui a une base, un texte qu'il connaît par cœur, ou du moins qu'il maîtrise, dont il connaît de manière précise le contenu, la construction, la schématique, il n'est pas du même niveau que celui qui part dans une terre désertique. Il n'a rien comme base. Car il faut comprendre que al-fahm, c'est quelque chose, la compréhension c'est quelque chose, et al-hifd, c'en est une autre. Al-fahm yatabakhar ma'al-waqt. La compréhension s'évapore avec le temps. Combien de choses tu as lues, tu as compris, mais elles ne sont plus là. Qu'est-ce qui va rester présent dans ton cerveau, dans ta mémoire, c'est ce que tu connais par cœur. Et la science est ce que tu connais par cœur. C'est pour ça qu'on a dit qu'on donnera des qawaïd à la fin de chaque dorus. À la fin des cours, il faudra qu'on ait des règles. Il faudra résumer. Car l'objectif, ce n'est pas retenir l'heure ou l'heure et quart ou l'heure et demie hein, du dars que vous avez écouté. On ne peut pas tout retenir. Et d'ailleurs, dans ce qui est dit, il y a beaucoup d'explications qui entourent les idées mères que vous devez retenir. C'est pour ça d'où l'erreur, moi je pense, beaucoup de savants disent ça, de prendre des notes pendant le dars. Car qu'est-ce qui est recherché? Qu'est-ce qui est recherché? C'est la compréhension. Et la compréhension justement, c'est l'explication orale que tu ne trouves pas dans le texte, que tu ne trouves pas dans le livre. Et c'est un ensemble donc d'informations orales. Et toi, qu'est-ce que tu vas vouloir noter de cet ensemble d'informations orales? Ce qui est le plus important, c'est le texte. Tu l'as déjà, c'est au le thalath. Donc il faut essayer de se concentrer, de comprendre donc, les informations qui sont données, qui enveloppent l'idée principale, qui sont là justement pour t'aider à comprendre cette idée centrale-là. Donc ça, c'est un point aussi qui est important, bihawlillahi azzawajal. Il dit ensuite, wa rahala fi talabi al-ilm. Et il a voyagé donc dans la demande de la science, ça aussi. C'est une grande sunna des savants. Les sahaba, les premiers, radiyallahu anhum, ont fait cela. Et les ont suivis, les grands savants donc, de notre communauté. Ils voyageaient pour prendre le ilm. Ils voyageaient pour apprendre la science. Et les akhbar, les histoires à ce sujet-là sont nombreuses. Mais on ne va pas s'attarder à une mou'ida à chaque fois. Car sinon, rien que cette introduction nous prendrait beaucoup de cours. Et il a appris, rahmatullah alayh, auprès de nombreux chouyours, parmi eux, al-Sheikh Abdullah ibn Ibrahim al-Shammari. Al-Shammari, rahmatullah alayh. Donc ça, c'était son cheikh principal. Kama qara'a ala binihi al-Fardi al-Shahri Ibrahim al-Shammari. Tout comme il a aussi étudié, donc auprès du fils du premier cheikh qu'on avait cité, qui était Abdullah ibn Ibrahim, il a aussi étudié auprès donc de Ibrahim al-Shammari, rahmatullah alayh, qui était un grand savant, notamment concernant la science des héritages, rahimahullah. Il a aussi étudié auprès du muhaddith célèbre Muhammad Hayat al-Sindi, rahmatullah alayh, et il a appris auprès de lui la science du hadith, wa rijalihi, et des rapporteurs, donc ce qu'on avait appris, ce qu'on avait évoqué la dernière fois, la biographie des rapporteurs, qui est en lien avec la science du jarh wa ta'dil, pour pouvoir analyser ensuite les chaînes de transmission. Wa ajazahu bil ummahat, et il lui a donné la permission de transmettre à son tour al-ummahat, al-Bukhari, Muslim, les 4 sunan, Musnad d'Ahmed, etc. C'est ce qu'on appelle donc les livres mères du hadith. Et l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab donc était mujaz, il avait une ijaza, une permission donc Allah alam quel ijaza, en tout cas donc de transmettre ces hadiths là, car il y a plusieurs formes d'ijaza. Et donc ce n'est pas un ignorant comme veulent l'avancer ses détracteurs. Car Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il rentre dans ce qu'on appelle le mujaddidin, les revivificateurs. Souvent quand il y a une période donc d'éloignement de la sunna, et lorsqu'on dit éloignement de la sunna, il y a donc apparition de bid'ah, d'innovation, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala donc met au service de cette communauté un homme qui va revivifier donc la aqida des musulmans, il est certain qu'il va avoir des détracteurs et qu'il va y avoir des personnes qui vont essayer donc de les discréditer, de dénigrer, etc. Et parmi donc Ahlul Bida', les gens de l'innovation qui ont essayé de discréditer Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, ils ont avancé que c'était un ignorant. Ça c'est un mensonge qui a été inventé par ces gens-là. C'est un savant qui fait partie des plus grands savants de cette communauté. Sans exagération, il n'est pas protégé de l'erreur, bien sûr. Ses livres comportent des erreurs. Tout comme les livres des savants qui l'ont précédé comportent des erreurs. Mais au point de dire que c'était un ignorant, Ça, c'est un mensonge clair. وَقَدْ وَهَبَهُ اللَّهُ فَهْمًا ثَاقِبًا وَذَكَاءً. Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné une compréhension très bonne et une très grande intelligence. رَحْمَتُ وَأَكَبَّ عَلَى الْمُطَالَعَةِ وَالْبَحْثِ. Et donc ensuite il s'est consacré donc à la lecture des livres et à la recherche. وَالتَّأْلِيفِ. Et donc au fait d'écrire des ouvrages. وَقَدْ خَطَّ كُتُبًا كَثِيرًا مِنْ مُؤَلَّفَاتِ ابْنِ تَيْمِيَةَ وَابْنِ الْقَيِّمِ. Et il a ensuite écrit de sa propre main. Ça c'est quelque chose aussi que faisaient les savants à l'époque, car il n'y avait pas encore l'imprimerie. Ils écrivaient, recopiaient des livres, donc pour en avoir un tome auprès d'eux, pour en avoir une copie auprès d'eux. Donc il allait par exemple dans une, ce qu'on appelle une maktaba, dans une librairie qui recueille, donc qui réunit des manuscrits. Il prenait par exemple un manuscrit d'Ibn Taymiyyah rahmatullah alayh, comme ici il le dit, il a écrit de sa main beaucoup de livres d'Ibn Taymiyyah et d'Ibn al-Qayyim, et il écrivait, il recopiait ce livre-là pour pouvoir repartir. Hein? Car la personne partait en voyage souvent pour aller simplement recopier un seul livre. Et ne pouvait pas rester longtemps. Et aussi ce livre-là ne pouvait pas être prêté, ne pouvait pas le prendre et s'en aller avec. Il n'y avait pas comme aujourd'hui les scanners, etc. Aujourd'hui les savants vont par exemple dans une maktaba comme à Rabat ou en Turquie, Methelen, en Arabie Saoudite, en Égypte, même à Paris, ils ont des manuscrits des musulmans que l'on n'a pas nous aujourd'hui dans les pays musulmans. Et les savants vont, les scannent, hein, peuvent scanner aujourd'hui. D'ailleurs ils ne le scannent même plus, ils sont scannés les manuscrits. Et il te donne ça, et après tu peux, toi, à ton tour, les étudier. À l'époque, ça n'existait pas, donc les gens écrivaient avec leurs propres mains. Et il a écrit de nombreux livres, parmi les plus célèbres, Kitab al-Tawhid, qui est un livre extrêmement important sur al-Tawhid, Kashf al-Shubuhat, etc., des livres que j'ai cités tout à l'heure. Il est mort, rahmatullah, en 1206, de l'Hégire, qu'Allah lui fasse miséricorde, et on s'arrête là. Concernant bi'iznillahi azza wa jal sa biographie. Donc il commence son épître rahmatullahi alayhi en disant bismillahir rahmanir rahim. Au nom d'Allah ar-Rahman, le tout miséricordieux, ar-Rahim, le tout, le très miséricordieux, qui sont des traductions bien sûr approximatives. Bismillahir Rahmanir Rahim, cette expression, donc c'est une expression par laquelle commencent souvent les savants leurs épîtres, leurs écrits, etc. Et ils prennent modèle sur le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah jalla fi'ula a commencé son livre, il a débuté par cette expression-là. Bismillahir Rahmanir Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Et d'ailleurs, toutes les sourates, tous les chapitres commencent par Bismillahir Rahmanir Rahim. Nous avions évoqué cela auparavant, sauf Surat At-Tawbah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui aussi, lorsqu'il écrivait ses lettres, donc aux différents rois, il avait comme habitude donc d'introduire ces lettres-là par l'expression Bismillahir Rahmanir Rahim, comme lorsqu'il a écrit à Héracle, à Hercule, Bismillahir Rahmanir Rahim, min Muhammadin ibn Abdillah, ou min Muhammadin Rasulillah, ila Héracle Azim al-Rum, de Muhammad, fils d'Abdullah, à Héracle, donc le grand des Romains. Donc c'est une sunna qui est tirée de cela, du livre d'Allah jalla fi'ula et de la sunna du prophète alayhi salatu wa sallam. Lorsqu'on dit l'expression Bismillahir Rahmanir Rahim, le ba ici Bismillahir Rahmanir Rahim, c'est un ba qui traduit al-isti'ana, on prend donc aide auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, auprès du nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, Bismillah, au nom d'Allah, je prends aide auprès du nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi je prends bénédiction auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aussi al-musahaba, je prends compagnie auprès du nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette expression Bismillahir Rahmanir Rahim, elle a avec elle quelque chose de sous-entendu pour qu'on ait une phrase avec un sens complet en arabe. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, point, ça ne veut pas dire quelque chose en réalité. Il faut obligatoirement quelque chose, donc un mot ou une expression qui est ce qu'on appelle muqaddar, sous-entendu, pour qu'on ait une phrase qui ait un sens complet. Ici, qu'est-ce qui est sous-entendu? C'est un verbe. Quel verbe? C'est le verbe qui est approprié à l'action que tu vas faire, donc après avoir dit Bismillahir Rahmanir Rahim. Ici, qu'est-ce que va faire le cheikh? Il va écrire. Il va écrire. Donc, un épître. Donc, ce qui est sous-entendu, Bismillahirrahmanirrahim, aktoub. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, j'écris. Celui qui boit, avant de boire son verre d'eau, il dit Bismillahirrahmanirrahim. Ou bien, il dit Bismillah. Bismillah tout seul, ce n'est pas une phrase qui a un sens complet. Donc, quel est le verbe qui est sous-entendu? Bismillahi ashrobu. Au nom d'Allah, je bois. Celui qui dit Bismillah avant de manger, qu'est-ce qu'il sous-entend comme verbe? Bismillahi akulu. Je mange. D'accord? Vous comprenez? Donc, il faut un verbe qui soit sous-entendu pour que l'expression ait un sens complet. Et ce verbe-là, on va le reculer par rapport à l'expression Bismillahirrahmanirrahim. On aurait pu dire Aktubu, j'écris Bismillahirrahmanirrahim. Akulu, je mange Bismillahirrahmanirrahim. Mais on va le reculer pour diverses raisons. La première, c'est parce que le fait de reculer le verbe par rapport à ce qu'on appelle Al-Jar ou Al-Majrur, je ne traduis pas, par rapport à l'expression Bismillahirrahmanirrahim, ça va impliquer l'exclusivité. Ça va impliquer l'exclusivité de ton action par rapport au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim aktub, je n'écris qu'au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Aktubu bismillahirrahmanirrahim, c'est j'écris au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, mais ça n'implique pas je n'écris qu'au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Bismillahi ashrob, je bois seulement au nom d'Allah. Ashrobu, bismillah, je bois au nom d'Allah, mais l'expression n'implique pas que tu bois seulement au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. La règle à retenir que l'on verra beaucoup dans la aqidah, et Allah subhanahu wa ta'ala, souvent, il montre le tawhid à travers ces versets par ceci, en faisant reculer quelque chose qui, à la base, doit être en début, donc, de phrase. Car à la base, c'est, ashrobu, bismillah, akulu bismillah, aktubu bismillah, et le fait d'avoir fait reculer, donc, le verbe montre qu'il y a exclusivité de l'action par rapport au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aussi par rapport à la baraka. C'est aussi par rapport à la baraka. On prend donc bénédiction auprès du nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le fait de commencer par le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a aucun doute, il y a une bénédiction dedans. Bi'ithnillahi azza wa jalla. Ar-Rahman, donc Allah c'est le nom. Donc le plus grand nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est le nom qui réunit donc toutes les sifats et tous les autres noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, toutes les qualités d'Allah subhanahu wa ta'ala et tous les autres noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahman, c'est le tout miséricordieux, celui qui est donc plein de miséricorde. Ar-Rahim, c'est celui qui fait atteindre donc sa miséricorde à autrui, c'est celui qui fait miséricorde. Donc Ar-Rahman, c'est un nom d'Allah subhanahu wa ta'ala qui donc implique qu'Allah subhanahu wa ta'ala est doté de quelle qualité? Ar-Rahma, la miséricorde. Ar-Rahman, c'est le tout miséricordieux, donc c'est celui qui est qualifié donc de miséricorde, et dont la miséricorde est infinie et immense. Ar-Rahim, ça renvoie à l'acte de faire parvenir la miséricorde, de faire miséricorde. Donc Ar-Rahman, c'est celui qui est qualifié de miséricorde, Ar-Rahim, c'est celui qui donc fait miséricorde. Et il fait miséricorde, bien sûr, parce qu'il est qualifié de miséricorde subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam rahimakallah annahu yajibu alayna ta'allumu arba'i masail. Sache qu'Allah te fasse miséricorde, qu'il est obligatoire pour nous d'apprendre quatre notions. Donc ma traduction c'est la mienne, je traduis en lisant l'arabe, elle sera peut-être un peu différente de votre traduction que vous avez dans l'épître, mais ce n'est pas grave. I'lam, sache. I'lam. Ça, c'est une expression de la part du Cheikh Rahmatullah Alayh qui vient stimuler l'attention de l'étudiant. I'lam, sache, ô étudiant. Donc ne dors pas, ce qui va être dit ensuite est quelque chose d'extrêmement important. Ton au-delà est en jeu à travers les notions qui vont être citées à travers cette épître-là. Donc il faut faire preuve d'attention. I'lam, sache, hein, sache. Donc il va y avoir des informations qui vont être données. Car I'lam, c'est en lien avec la science, avec l'ilm. Donc ce qu'il va citer ensuite, rahimahullah, ce sont des informations, ce sont des notions que tu dois connaître. Et il te dit I'lam, afin de stimuler ton attention et que tu fasses preuve de concentration durant les cours. Rahimakallah, ça c'est une invocation de la part du shir pour toi, toi qui vas lire cet épître-là. Rahimakallah, qu'Allah te fasse miséricorde. Et il y a dans cette expression-là, donc une preuve que l'enseignant doit être doux avec ses étudiants. Et ici, le shir fait preuve de douceur, de compassion avec donc son étudiant, celui qui va lire donc cette épître-là. Donc tout enseignant, savant, prêcheur, etc. doit faire preuve donc de douceur, de compassion, de miséricorde avec les gens donc qui s'assoient et l'écoutent. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam que s'il n'avait pas eu donc cette qualité-là, les gens se seraient enfuis de lui. وَلَوْ كُنْتَ فَضَّنْ غَلِيدَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Et si jamais tu étais donc quelqu'un de dur au cœur, donc épais, c'est-à-dire dur, hein, les gens se seraient enfuis d'autour de toi, ils ne seraient pas restés avec toi. فَعْفُ عَنْهُمْ, pardonne-leur, etc. jusqu'à la fin du verset. Donc l'enseignant se doit d'être miséricordieux avec l'étudiant, ce qui va être donc plus à même de le motiver et de lui donner de la constance dans les cours. Et il est certain que la dureté, la sévérité, lorsqu'elle est déplacée, il se peut que la sévérité ait aussi son intérêt parfois, lorsqu'elle est ponctuelle et qu'elle est bien placée par sagesse, chose que faisaient certains shuyur, rahimahumullah, avec des élèves qui savaient que lorsque cette sévérité apparaîtrait, ils ne s'enfuiraient pas. Mais nous aujourd'hui, dans l'ambiance que l'on vit, c'est quelque chose à laquelle il faut faire très attention. Donc la sibra, l'esprit majoritaire de l'enseignant, du shir, du da'i, etc., c'est la douceur, la miséricorde, la compassion avec donc son auditoire. Et alam rahimakallah, sache qu'Allah te fasse miséricorde, annahu yajibu alayna, qu'il est obligatoire pour nous. Donc il dit ici qu'il est obligatoire pour nous, qu'il est obligatoire, annahu yajibu. Yajibu, donc c'est un verbe, il est obligatoire. Donc de ça, on va tirer l'obligation. C'est en lien avec l'obligation. Ce qu'on appelle al-wajib. Al-wajib. Al-wajibu, dans la langue arabe, c'est as-saqit. Al-thabit, c'est quelque chose qui tombe. Al-thabit, quelque chose qui est ferme, qui est désormais mis en place. Wa minhu qawluhu ta'ala, fa'idha wajabat junubuha. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surat al-hajj, donc au sujet de la chamelle qui a subi le nahr, qui est donc une forme d'égorgement, qui est le fait de lui planter un couteau au niveau de la gorge, car c'est difficile de l'égorger comme on égorge un mouton. Allah subhanahu wa ta'ala dit, et lorsque ses flancs, wajabat, tombent. Donc elle wajib dans la langue arabe, on n'est pas encore dans le sens législatif, dans le sens consensuel. Elle wajib dans la langue arabe, c'est donc quelque chose qui est tombé, quelque chose qui tombe. Aussi, al-thabit. Athabit, quelque chose qui est désormais mis en place, qui est désormais ferme. Quand on dit wajab al-bay'u, donc la vente, elle a été clôturée, elle est désormais mise en place. Ça, c'est dans la langue arabe. Et dans le sens consensuel de usul al-fiqh, vous avez peut-être vu ça, Allah alam al-fiqh, dans les fondements de la jurisprudence, c'est ma amara bihi shari'u amran jaziman. C'est ce qu'a ordonné le législateur d'une manière tranchée. D'une manière tranchée. Donc on a 5 statuts juridiques. Ce que je dis ici, par rapport au développement de l'école malikite, il y a certaines notions. Je vous rappelle que vous donnez toujours donc priorité à ce qui est dit dans le cours de fiqh, en lien avec le fiqh, sur le cours de aqidah. Mais de manière générale, il y a donc 5 ahkam, donc taklif, il y a 5 statuts responsabilisants. Il y a al-wajib, l'obligatoire. C'est ce qu'a ordonné Allah subhanahu wa ta'ala, le législateur. C'est ce qu'a ordonné le législateur d'une manière tranchée. Ça, c'est l'obligatoire. Et il y a le recommandé. C'est ce qu'a ordonné le législateur d'une manière non tranchée, non obligatoire. Donc, ce qu'a ordonné le législateur, ça se divise en 2 catégories. La première, le wajib, c'est ce qu'il a ordonné de manière tranchée. Et la deuxième, c'est le recommandé, ou bien le mustahab, ou bien le musnoun. Tout ça, ce sont des expressions qui se rejoignent. Et c'est ce qu'a ordonné le législateur d'une manière non tranché. Après, on a ce qu'il a interdit. Ce qu'il a interdit d'une manière tranchée, c'est le muharram, l'interdit. Ma naha anhu shari'u nahyan jaziman. Ce qu'a interdit le législateur d'une manière tranchée, c'est le muharram. Comme le vin, par exemple, boire le vin. Allah subhanahu wa ta'ala l'a interdit d'une manière tranchée, ou c'est si tu veux, tu ne bois pas, si tu veux, tu bois, hein? D'une manière tranchée. Après, il y a le makruh. Ma naha anhu shari'u nahyan ghayra jazimin. C'est ce qu'a interdit le législateur d'une manière non tranchée. Je vais un peu vite parce que la montre ne joue pas en notre faveur. Donc le makro, c'est ce que a interdit le législateur d'une manière non tranchée. Les conséquences de cela, celui qui délaisse l'obligatoire, il est soumis donc au iqab, au châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui le fait, le wajib, il est donc récompensé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui fait le mustahab, il est aussi récompensé par Allah subhanahu wa ta'ala. Il se peut que quand il est récompensé, ce n'est pas de manière tranchée, car les notions de récompense relèvent d'Allah subhanahu wa ta'ala, on ne les connaît pas nous dans ce bas monde. Et lorsqu'il délaisse le mustahab, il n'est pas soumis donc au châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le recommandé, si tu le délaisses, tu n'es pas soumis au châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui ne fait pas par exemple ar-rawatib avant le dhuhr, après le dhuhr, celui qui ne se lève pas la nuit, qui ne fait pas qiyam al-lil, est-il soumis au châtiment d'Allah jalla fi'ala? Non. On va du côté de l'interdit maintenant, les deux catégories qu'a interdit Allah subhanahu wa ta'ala, le muharram, si la personne le fait, il est soumis au châtiment d'Allah jalla fi'ala, et s'il le délaisse, il est récompensé par Allah subhanahu wa ta'ala. Le makruh, s'il le fait, il n'est pas soumis au châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et s'il le délaisse, il est récompensé par Allah Jalla fi'ala. Entre ces deux catégories, donc les deux choses ordonnées qui sont le wajib et le mustahab, et les deux interdits qui sont le muharram et le makruh, on a une zone intermédiaire qu'on appelle al-mubah, le permis. Et ça c'est mastawa fi'luhu wa tarku. C'est ce dont le fait de le faire et le fait de le délaisser sont équivalents. Tu le fais ou tu le fais pas? Tu le fais ou tu le fais pas? C'est pareil. Donc ça c'est ce qu'on appelle al-mubah. Manger une certaine forme de nourriture, mathalan. Manger de la pomme. Tu meurs, tu n'as pas mangé de la pomme. Tu as mangé de la pomme, tu as les hassanettes? Hein? À la base. Est-ce qu'il y a spécialement quelque chose en lien avec ça? Tu délaisses le fait d'avoir mangé ça. Tu as des péchés? C'est makro, c'est muharram. Tant qu'il n'y a pas d'aqida, si tu le délaisses avec la aqida que c'est haram, ça peut t'amener même à la mécréance, car tu fais le tahrim de quelque chose qui est halal et qui est reconnu de manière consensuelle comme étant quelque chose de halal. Mais nous, on parle sans aucune aqida. Donc, le mubah, c'est quelque chose dont le fait de le faire ou le délaisser est équivalent. Ici, il dit yajibu alayna. Il est obligatoire pour nous. De quel wajib il parle? De quel wajib? Il parle du plus grand degré de wajib qui existe. Car il va ici développer de manière majoritaire la da'wah des prophètes alayhimus salatu wassalam. La da'wah des prophètes alayhimus salatu wassalam. Et cette obligation-là fait partie du plus haut donc niveau d'obligation, qui relève même au-delà du rukn, qui va même au-delà du pilier. Car l'obligatoire, il réunit plusieurs choses. Al-rukn, le pilier, qui est quelque chose qui revient à la composition, qui relève de la composition de ce qui est, qui relève de la composition de la notion. Par exemple, la prière, parmi les piliers de la prière, on a Al-Fatiha. Al-Fatiha. Ça relève des piliers de la prière. On a aussi le shart, par exemple, la condition de la prière, ça aussi c'est un wajib. C'est quelque chose qui est obligatoire. C'est quelque chose qui est obligatoire. Mais est-ce que ces deux obligatoires ont le même niveau? Non, vous verrez qu'il y a des choses qui, lorsqu'on les oublie, eh ben, il y a Allah subhanahu wa ta'ala nous décharge, mais il y a des choses que même si tu les as oubliées, eh ben, Allah subhanahu wa ta'ala ne te décharge pas. Pourtant, ce sont deux obligations. Parce que dans les obligations, il y a différents degrés. Et là, la plupart des obligations que l'on va voir, ce sont les plus hauts niveaux d'obligations. Et beaucoup d'informations que nous verrons, si elles sont ignorées par le musulman, ben, qu'il sache qu'en réalité, il n'est pas musulman, justement. Yajibu alayna, il est obligatoire pour nous. Nous, humains et djinns. Tous, sans aucune exception, il est obligatoire pour nous, donc, de savoir ce qui va nous citer ensuite, d'apprendre donc les quatre notions qu'il va citer ensuite. Homme et génie, gouverneur, gouverné, pauvre, riche, homme, femme, arabe, ajem, non-arabe, tous, il est obligatoire pour nous donc d'apprendre arba'i masa'il, quatre notions. Il dit al-oula, la première. Lorsqu'il dit quatre notions, ce n'est pas de manière exhaustive. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas cinq ou six ou sept, car on verra ensuite qu'il va citer trois notions obligatoires. Qu'il va citer trois notions obligatoires à apprendre. Donc j'ouvre une parenthèse que j'aurais dû dire en introduction au Dars, c'est la schématique de ce texte-là. Il faut visionner, se représenter dans notre tête la schématique, inshallah, de Al-Usul al-Thalatha. Al-Usul al-Thalatha. On a une introduction divisée en trois parties. Divisée en trois parties. On a ce qu'on appelle Sulbul Kitab, après le cœur, donc de l'épître, et on a ensuite une conclusion. Donc on a au début une introduction qui est divisée en trois parties. La première partie de l'introduction qui commence par « I'lam rahimakallah » c'est ce qu'on est en train de développer ici. La deuxième partie « I'lam rahimakallah » ce sera trois notions que tout musulman et musulmane doivent connaître et pratiquer. Ensuite on a « I'lam arshadakallahu li ta'ati » sache qu'Allah te guide à son obéissance et il va développer encore une notion qui est al-hanifiyya, la religion d'Ibrahim alayhi salam. Après il va te dire فَإِذَا قِيلَ كَمَا الْأُصُولُ الثَّلَاثَةَ et si on te demande, si on te dit quels sont les trois fondements, et il va développer les trois fondements qui sont l'islam, la connaissance de d'Allah, pardon, la connaissance d'Allah, la connaissance de la religion et la connaissance du prophète alayhi salatu wa salam. Ensuite il va donc faire une conclusion, il va aborder des notions comme la résurrection, développer la notion de tarout et clôturer cet épître-là. Donc il faut qu'on se représente le texte. Donc ici, on va développer, expliquer, étudier ensemble la première partie de l'introduction. Hein, le premier tiers de l'introduction. Donc il dit quatre notions sont obligatoires hein, pour nous donc de les apprendre. Il dit al-oula, la première, al-ilm, la science. Wa huwa ma'rifatullah, et c'est la connaissance d'Allah, wa ma'rifatu nabiyhi, la connaissance de son prophète, wa ma'rifatu din al-islam bil adillah, et la connaissance donc de l'islam avec les preuves. Il dit donc la première chose c'est la science. Et effectivement la première donc des notions que tout musulman et musulmane doit connaître avant de pratiquer quoi que ce soit, hein, ben c'est la connaissance de ce qu'il veut pratiquer. Al-ilm, c'est la première marche que tous on doit donc entreprendre avant de pratiquer. Al-ilm. Al-ilm, ayyuhal ikhwa, donc il se divise en deux parties. Il y a al-ilm, donc al-ayni, il y a la science que personne n'est censé ignorer, que tout le monde donc doit connaître. Al-ilm al-ayni, ou bien al-wajib al-ayni, l'obligation individuelle, et al-wajib al-kifa'i, et donc la science, ou bien l'obligation qui relève de la communauté, qui relève de la communauté. L'obligation individuelle, donc il y a l'obligation individuelle que tout le monde doit savoir. Hein, ce qui est en lien avec le tawhid, le shirk, ce que l'on va voir ici, c'est quasiment, pour la majorité des informations que l'on va voir, des obligations individuelles. Des obligations individuelles. Mais les obligations individuelles peuvent aussi être différentes suivant la personne. Quelqu'un qui veut s'engager dans le commerce, il est désormais obligatoire pour lui de connaître le fiqh du commerce. Hein, d'en connaître les grandes lignes. Les grandes choses obligatoires, les grandes choses interdites, hein, les règles principales. Quelqu'un qui veut aller au pèlerinage, il devient pour lui obligatoire d'apprendre donc comment faire le pèlerinage, alors que ceci n'est pas une obligation individuelle encore pour la personne qui n'a pas le moyen, le temps, etc., qui n'a pas rempli les conditions pour pouvoir aller faire le pèlerinage. Celui qui veut se marier, c'est pareil. Il doit désormais apprendre donc le fiqh du mariage pour pouvoir donc se marier comme il se doit. Alors que ce n'est pas encore une obligation individuelle pour celui qui n'a pas encore envisagé de se marier. Et les obligations communautaires, ce sont des choses qui, si elles sont pratiquées par une partie de la communauté, alors toute la communauté est exemptée du péché. Et si jamais toute la communauté ne pratique pas cela, alors toute la communauté prend le péché. Comme par exemple, Al-Adhan, selon la parole de certains savants. L'appel à la prière. Est-ce que tout le monde doit, lorsque l'heure du dhuhr est entrée, faire l'Eden? Toute la Ummah se lève et fait l'Eden? Non. C'est une partie. Donc, une personne se lève. Lorsque cette personne se lève et fait l'Eden, on est tous, donc, exemple de ism de péché. En revanche, si personne ne fait l'Eden, ala al-qawl bi annahu wajib, selon la parole qui dit que c'est une obligation, on est tous dans le péché. De même, laver le musulman mort, par exemple. Le musulman qui est mort. Est-ce que tout le monde se réunit et le lave en même temps? Non. Quelques frères font cela et la Oumma est exemptée de péché. Hein, prier sur lui, l'enterrer, etc. Ce sont des obligations communautaires et non pas individuelles. Sauf si jamais il n'y a qu'une personne qui a la science de cela. S'il n'y a qu'une personne qui sait faire l'Eden, un Eden authentique, ça devient une obligation individuelle. S'il n'y a qu'une personne qui sait laver les morts, c'est une obligation individuelle. S'il n'y a qu'une personne qui maîtrise toute autre notion, donc qui est à la base une obligation communautaire, ça devient une obligation individuelle pour lui. Donc il dit la science. Il dit la science, c'est la connaissance d'Allah, la connaissance du prophète et la connaissance de l'islam avec Al-Adillah, les preuves. Qu'est-ce qu'il veut dire ici par connaissance? Qu'est-ce qu'il veut dire par connaissance? Est-ce que c'est une connaissance simple qui est simplement une connaissance du cœur hein, et qui n'implique pas donc de pratique, ou bien est-ce que c'est une connaissance qui implique la pratique? Est-ce que c'est une connaissance d'Allah, tout comme Iblis connaît Allah? Est-ce que c'est une connaissance d'Allah tout comme Pharaon connaît Allah? Est-ce que c'est une connaissance donc de ce qu'il va ensuite développer Muhammad alayhi salatu wa salam? Tout comme le connaissent les Juifs? Les Juifs connaissent Muhammad alayhi salatu wa salam ou ne le connaissent pas? Allah dit dans le Coran, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Ils le connaissent comme ils connaissent leurs enfants. Comme ils connaissent leurs enfants, les Juifs connaissent le prophète Muhammad alayhi salatu wa salam. Est-ce que cette connaissance-là, c'est une connaissance linguistique ou législative? C'est une connaissance linguistique. Dans la langue arabe, les Juifs connaissent le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Mais est-ce que législativement parlant, c'est une connaissance qui est prise en compte par Allah Azzawajal? Non. Non. Ce n'est pas. C'est même une connaissance qui va à leur encontre et qui est une preuve contre eux, yawm al-qiyamah. Donc la connaissance qu'aborde ici le Cheikh, c'est une connaissance qui implique la pratique. C'est une connaissance qui implique la pratique. La connaissance d'Allah implique la soumission à Allah, implique l'adoration à Allah. La connaissance du prophète Muhammad alayhi salatu wa salam implique le suivi du prophète Muhammad alayhi salatu wa salam. La connaissance de l'islam réel, la connaissance législative implique l'application, l'adhésion à cette religion-là. Mais la ma'rifa lughawiyya, linguistique, n'est pas celle qui est visée ici par le Cheikh. Car dans le sens linguistique, Iblis sait que Allah existe. Si Iblis est questionné, Allah existe-t-il? Que répond-il? Oui. Allah est-il unique? Que répond-il? Oui. Oui. Allah est-il omnipotent? Que répond-il? Oui. Oui. Allah a-t-il créé le paradis? Oui. Allah a-t-il créé l'enfer? Oui. Hein? Mais est-ce que cette connaissance-là lui a valu donc d'être musulman et de faire partie des gens du paradis? Non. Cette connaissance-là n'étant pas suivie par la pratique et ayant refusé le sujoud devant Adam alayhi salam, c'est une connaissance donc qui n'a pas de valeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on ne va pas développer ici la connaissance d'Allah, la connaissance du prophète et la connaissance de l'islam, car c'est justement le sujet de l'épître. Donc on va le développer ensuite. Simplement, il dit bil adillah, avec les preuves. Avec les preuves. Et ici c'est un point, on ne va pas s'y attarder, c'est simplement, est-ce que il est permis de faire at-taqlid, le suivi aveugle, dans usuluddin, dans les fondements de la religion, dans le sens de al-aqida, et notamment al-tawhid wa shirk, dans ces grandes notions sans lesquelles l'islam n'est pas validé. Est-il permis de suivre aveuglément ou pas? Les savants divergent à ce niveau-là, beaucoup de contemporains de savants disent que non, d'autres encore parmi les contemporains et les éminents savants disent que oui, et ils disent que ce n'est pas permis, que le taqlid n'est pas permis, et ils s'appuient sur différentes preuves, le hadith aussi de la tombe, lorsque la personne sera questionnée donc, dans la tombe, et on lui dira donc Man Rabbuk, etc. Et il dira Ha ha, sami'tu an-nas yaqulun. J'ai entendu les gens dire. J'ai entendu les gens dire et j'ai dit donc leurs paroles. Et il ne sera pas excusé ici par le fait qu'il a entendu les gens dire et qu'il les a simplement imités. Mais ici, c'est dans l'imitation du kufr que la personne n'est pas excusée. Donc le délil, il est critiquable, car ici, on parle de l'imitation dans le tawhid. Est-ce qu'il est permis d'imiter un savant dans la ilaha illallah, dans sa compréhension de la ilaha illallah, etc., sans les preuves? Sans les preuves. Ça, c'est, il y a divergence là-dessus. Les autres qui disent qu'il est permis, ils s'appuient sur la généralité du verset d'Allah subhanahu wa ta'ala, fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Demandez aux gens de science si vous ne savez pas. Si vous ne savez pas dans la aqidah et dans les furu' et dans le fiqh aussi. Et de même, les compagnons, lorsqu'ils ouvraient les contrées et lors des conquêtes, ils appelaient les gens à la ilaha illallah et ils ne présentaient pas donc les délits à chaque fois. Ils disaient qulu la ilaha illallah, dites la ilaha illallah. Est-ce qu'ils amenaient à chaque fois, avant que la personne ne prononce la shahada, le dalil du Coran ou le hadith du prophète alayhi salatu wassalam? Donc les savants qui disent que le taqlid est permis, ils disent que non. Wallah a'lam, c'est un point qui, l'ilmu indallah, est un point de divergence. Wallahu a'lam. Wa ala kulli hal, il est certain que celui qui connaît sa religion avec les adillah, avec les preuves, il est plus enraciné, plus confiant et plus à même d'être protégé des choubouhettes, des ambiguïtés, des sectes déviantes, des mécréants, juifs, chrétiens et autres. Donc, même si le taqlid est permis, ça ne veut pas dire qu'il faut rester un muqallid, un imitateur aveugle. Non. D'où d'ailleurs notre étude de cette épître, bi'idhnillahi azzawajal. Et d'ailleurs l'imam va nous éduquer ici à sortir du taqlid, car lorsqu'il va évoquer des notions, à chaque fois, il rapportera des preuves du Coran et de la Sunna. Deuxième point, il dit, al-amalu bihi, la pratique. Donc la pratique de la science. la pratique de la science. Car la science n'est pas un objectif en soi-même. Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé des prophètes, alayhimu salatu wa salam, pas simplement pour présenter des ensembles théoriques aux gens, au peuple. Non, pour que cette théorie-là soit suivie d'une pratique. Donc la aqidah n'a de sens que si elle donne donc des fruits. Et quels sont les fruits? C'est la pratique. Donc tout ce que l'on va étudier ici a pour objectif ensuite de se mettre en pratique. Donc il dit qu'il est obligatoire pour toute personne de connaître quatre choses. La première, quelle est? La première chose, c'est la science. La deuxième, la pratique. Sans pratique, ta science en réalité n'a pas de valeur. Al-Fudayl ibn Iyad, rahmatullahi alayhi, disait « La yazalu al-alimu jahilan » Le savant ne cesse d'être un ignorant jusqu'à ce qu'il pratique sa science, et lorsqu'il la pratique, il devient alors un savant. D'autres disent, la science appelle, téléphone, elle appelle la pratique. Si elle lui répond, si la pratique répond à la science, donc elle reste, et sinon elle s'en va. Et la science s'en va. Si tu ne pratiques pas ta science, Allah subhanahu wa ta'ala yuwaffiqana lil amal. On demande à Allah qu'il nous permette de pratiquer ce que nous connaissons. Lorsque tu ne pratiques pas ta science, tu verras qu'elle s'en va. Et les salaf rahmatullahi alayhim disaient kunna nasta'inu ala hifdhil hadith bil amal bihi. Nous nous aidions dans l'apprentissage du hadith par sa pratique. Ils pratiquaient les hadiths et ceci les aidait donc à les apprendre par cœur. Et nous serons interrogés sur notre science, qu'est-ce que nous en avons fait. Et ceci est rapporté dans Sunan al-Tirmidhi, le prophète alayhi salatu wa sallam dit « La tazulu qadama abdin yawm al-qiyamati hatta yus'ala an arba' » Les jambes du serviteur ne bougeront pas, ne se déplaceront pas yawm al-qiyama jusqu'à ce qu'il soit interrogé sur quatre choses, parmi celles-ci « An ilmihi ma amila bihi » Sa science, qu'est-ce qu'il en a fait? Est-ce qu'il a pratiqué ou pas? Et dans Sahih Muslim, dans le hadith d'Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ » Le Coran est une preuve pour toi, un argument pour toi ou contre toi يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Donc ça c'est un point extrêmement important. Il n'y a pas de doute qu'aujourd'hui on est atteint par cette crise de la pratique de ce que l'on connaît. Et il faut essayer de se motiver, inshallah, de s'exhorter mutuellement à pratiquer la science que l'on connaît بِحَوْلِ اللَّهِ عَزْ وَجَلَ, afin qu'elle soit un argument pour nous et non pas contre nous, yawm al-qiyamah. La troisième, da'watu ilayhi. Donc prêcher, ilayhi, à la science ou à la pratique. Les deux peuvent être compris. Prêcher ilayhi, c'est-à-dire prêcher au amel, qui a été cité avant, ou bien au ilm, qui était la première des quatre notions citées. Les savants disent que c'est les deux, ou bien c'est al-ilm de manière prioritaire. Nous, on appelle les gens donc à la science, et après la pratique, ça relève de leur responsabilité. Nous, on appelle à la science et à la pratique. Ad-da'watu ilay. Ayyuhal ikhwa, le prophète alayhi salatu wa salam, tout comme il est venu donc avec la science, avec l'aqidah, la pratique aussi, il est venu avec ad-da'wa, appeler. Il est venu appeler les gens à Allah subhanahu wa ta'ala, comme l'ont fait les gens qui l'ont précédé. Ad-da'watu ilay. Et cette action-là, donc, elle ne relève pas exclusivement du prophète Muhammad alayhi salatu wa salam. Sinon, le shaykh n'aurait pas dit qu'il est obligatoire pour toute personne donc de prêcher. Ad-da'watu ilayhi. Appeler au dîn d'Allah subhanahu wa ta'ala. Appeler au tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala. Appeler à la sunnah du prophète alayhi salatu wa sallam. Appeler à l'islam, à la religion d'Allah jalla fi'ula. Telle était la fonction du prophète alayhi salatu wa sallam et telle est la fonction de toute personne qui a les conditions que l'on va donner et qui porte aussi de la compassion pour les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qui porte dans son cœur al-ham, le souci de voir les gens adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Car l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala est le plus grand des droits qu'il possède. هذا حق لله على جميع الإنس والجن. Tout être humain et tout génie a pour obligation d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Comme le prophète alayhi salatu wa salam l'a mentionné à Mu'ad, qui est d'ailleurs le premier hadith que Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a mis dans son livre Kitab al-Tawhid. Et ce n'est pas anodin s'il a mis cela comme premier hadith. Ya Mu'ad, le prophète alayhi salatu wa salam dit, oh Mu'ad, atadri ma haqqullahi ala al-ibad, sais-tu quel est le droit d'Allah sur les serviteurs et sais-tu quel est le droit des serviteurs sur Allah? Il répondit, Allah et son messager sont plus savants. Il a dit, haqqullahi ala al-ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a. Le droit d'Allah sur ses serviteurs, c'est qu'ils soient adorés, qu'ils l'adorent, hein, que les serviteurs adorent Allah et ne lui associent rien. Le muwahhid, le vrai monothéiste, lorsqu'il voit ce droit d'Allah, jalla fi'ula, bafoué dans l'univers d'Allah, dans le royaume d'Allah, subhanahu wa ta'ala, Hein? Ceci le met en mouvement. Et il va vers les gens et les appelle à adorer Allah subhanahu wa ta'ala, unique, sans aucun associé. Quant à celui qui a le cœur malade ou mort, nas'alullah azza wa jal, nas'alullah as-salama, c'est quelqu'un qui ne se soucie pas d'autrui. Hein? Qui fait fi des gens, qu'ils soient égarés, qu'ils soient bien guidés, cela ne le regarde pas. Celui-là, il est naqis. Il a un manque dans son suivi du prophète alayhi salatu wa salam. Pour faire la da'wa ayyuha al-ikhwa, il y a des conditions. La première, al-ikhlas. Il faut qu'elle soit faite pour Allah Jalla Fi'ula, car c'est une des meilleures fonctions, une des meilleures fonctions que l'on peut avoir. Allah Jalla Fi'ula dit: "Wa man ahsana qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani min al-muslimin." Et quelle meilleure parole que celui qui appelle à Allah, qui prêche à Allah et qui fait des bonnes actions et qui dit: "Je fais partie des musulmans." Parmi les plus belles actions, les meilleures actions, celles qui rapportent le plus, celles d'appeler à Allah Azza wa Jal. Et tu n'auras les grandes récompenses qui existent pour le prêcheur que lorsque tu feras une prêche pour Allah. Ne cherche pas à ce que ton auditoire soit nombreux. Ne cherche pas les éloges des gens. Ne cherche pas à être adulé, à être admiré par des frères, des sœurs ou autres. Mais cherche simplement le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cherche l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala et Allah subhanahu wa ta'ala te donnera l'acceptation bi'idhnillahi azza wa jal. Peut-être même après ta mort, tes sciences seront propagées après ta mort, ayyuhal ikhwa. Ta da'wa donnera des fruits après ta mort. Et Allah t'aura protégé de l'illusion, t'aura protégé d'une éventuelle déviance que tu aurais connue si jamais tu avais vu l'acceptation que tu as auprès des gens. Donc Allah subhanahu wa ta'ala te protège, ayyuhal akh. Al-da'watu ilayh. Donc première condition, al-ikhlas, la sincérité. La deuxième, la science, al-ilm. Al-ilm. Na'am. Pas de da'wa sans ilm. On ne peut pas prêcher sans science. Mais qu'est-ce qu'on veut dire par science? La science de ce à quoi tu appelles. De ce à quoi tu appelles. Un musulman ne connaissant pas le tawhid est un musulman? Oui ou non? On va le voir ça. Ça c'est une question, on ne doit pas hésiter. Un musulman ne connaissant pas le tawhid, c'est un musulman? Un plombier ne connaissant pas la plomberie, c'est un plombier? Mais il dit, je suis plombier, moi. Mais il ne connaît rien à la plomberie. Il est plombier dans sa tête, mais pas en réalité. Le musulman qui ne connaît pas le tawhid, il est musulman dans sa tête. Auprès d'Allah, il n'est pas musulman. Donc, tout musulman connaît la base du tawhid. La ilaha illallah. Il n'est peut-être pas capable de le développer comme un étudiant en sciences, mais il connaît les bases du tawhid. Hein? Si tu lui dis, peux-tu adorer autre qu'Allah, il va te dire non, a'udhu billah. Dois-tu seulement adorer Allah? Bien sûr. Quel est l'être humain que tu dois suivre si tu veux réussir? Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce peu qu'il a lui permet déjà de prêcher à cette chose-là. À cette chose-là. Il est dans une occasion, il est avec des connaissances ou autres qui ne sont pas musulmanes, il peut l'appeler. Un ancien collègue du quartier, tu n'as pas besoin d'être un savant pour voir ton ancien copain qui est avec toi au collège et lui expliquer simplement qu'il y a un bien à fréquenter la mosquée, à venir adorer Allah, à suivre le prophète Mohammed alayhi salatu wa sallam. Donc cette condition de la science, on doit la prendre avec le juste milieu. Hein? Mettre comme condition, les conditions du mufti à la da'wa, c'est une bid'a fi dinillahi azza wa jalla. Conditionner les conditions du mufti pour faire la da'wa, quelle que soit la da'wa, c'est une bid'a. Et on le dit ouvertement. C'est une innovation dans le din d'Allah azza wa jalla. Mais ouvrir les portes de la da'wa à toute personne et dire Allah sayyaftahu alayk, Allah va t'ouvrir, ne t'inquiète pas, monte sur le minbar, prends le micro, fais un dars, alors que la personne ne connaît pas sa religion, si ce n'est quelques notions mais qui ne lui permettent pas de pouvoir affronter un auditoire d'une centaine, 200, 300, 500 personnes et il va se mêler les pinceaux. Non, on ne peut pas ça. Donc le juste milieu, et il faut appeler à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il faut aussi connaître la situation des gens que l'on appelle, hein, que l'on prêche. Il faut savoir, est-ce que c'est quelqu'un de science, ce n'est pas quelqu'un de science, c'est un riche, c'est un pauvre, hein, etc. Il faut savoir, est-ce que c'est quelqu'un qui est dans la catégorie de ceux qui se froissent à chaque fois qu'on les appelle à Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens qui sont ouverts, qui accueillent les gens, qui ordonnent le bien, interdisent le mal. Donc il faut jauger la personne à qui on parle et aussi le contexte. Hein, le contexte. Est-ce que le moment est approprié pour la prêche ou non? Et ça, c'est ce que l'on va réunir dans un mot qui est al-hikma, la sagesse. Et la hikma ne peut être présente que si la personne a al-basira, la clairvoyance, qui est la vision du cœur. Al-basira. Et al-basira, donc c'est une condition dans la da'wa aussi, que le prophète alayhi salatu wassalam, que Allah azza wa jal a montré dans un verset de sourate Yusuf. Qul hadhihi sabili, dis ceci est mon chemin, ad'u ila Allah. Donc j'appelle à Allah, ala basira, avec clairvoyance, pas avec ignorance, sans connaître qui je prêche, sans connaître ce à quoi je prêche, sans savoir le contexte dans lequel je prêche, ala basira. Ana, moi, wa mani taba'ani, et ceux qui me suivent. Pas ana wal ulama, pas ana wa man indahu tazkiya, pas moi et celui qui a une tazkiya, qui a un feu vert de Cheikh Foulen X ou Y pour pouvoir faire da'wah. Hada kulluhu batil. Tout ça, c'est batil dans le contexte aujourd'hui contemporain comme on le vit. Beaucoup de gens freinent la da'wah au nom des tazkiyas. Notamment en France, dans un pays grand comme l'Hexagone où il y a 70 millions de personnes, ils te disent si tu n'as pas de tazkiyah, tu ne peux pas appeler à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne peux pas faire de dars. Tu dois te taire. Tu restes chez toi et tu ne fais pas de dars. Tu fais salat, tu fais zakat, etc. Ils vont amener à la laïcisation, ces gens-là. Ils vont amener à la laïcisation de la umma. S'il n'y a plus de prêche et qu'il y a simplement une pratique à la maison et à la mosquée, on retombe sur un islam après laïque, un islam des... Non, il faut s'appeler à Allah subhanahu wa ta'ala. À la basira, avec clairvoyance, tu as écouté des chouyours, tu t'es assis avec eux, tu as lu quelques livres, alhamdoulilah, tu as une bonne compréhension, alhamdoulilah, ballir, transmet, balliru anni, walau aya, transmettez de moi ne serait-ce qu'un verset. Tu en connais le sens, tu en es sûr, tu as entendu ça d'un savant, tu n'as pas pris ce sens de ta propre tête, transmet, alhamdoulilah. Et Allah subhanahu wa ta'ala te donnera des récompenses. Donc il faut de la hikma aussi, de la patience. Il faut donc de la patience, d'où la quatrième des conditions, as-sabr. Taïb, on doit s'arrêter alors, c'est 32. Inch'Allah, on n'a pas terminé le premier. Akhir, hawlillahi azzawajal. Taïb, on continuera avec donc la quatrième des notions à connaître obligatoirement, qui est la patience. Au cours prochain, Inch'Allah, on terminera donc ce premier chapitre de l'introduction, le premier tiers de l'introduction. On continuera si Allah subhanahu wa ta'ala nous permet. Bihawlillahi azza wa jal wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.